Bonjour et bienvenue à cette émission centrée sur la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Christian Martin au microphone. Aujourd'hui, la conclusion de Grand-père avec Stanley dans le rôle de grand-père, Joanne dans le rôle de grand-mère, Ezra dans le rôle de Guillaume, ainsi que Carole Bassini, K00 et moi-même dans la peau des lutins. Grand-père, comment sais-tu que les lutins vivent sous le tas de roches ? Papa, qu'est-ce que tu lui as encore raconté à ce petit ? Je croyais que tu avais oublié toute cette histoire, mon petit bout. Je n'oublie jamais une histoire. Tu retiens tout ce que je te raconte ? Oui. Peut-être les raconteras-tu à tes enfants plus tard. Non, je les mettrai dans un livre. En voilà une drôle d'idée. Papa. Mais... c'est aussi une excellente idée, mon petit bout. Une excellente idée. Ah, Seigneur. Et mon histoire de lutin, tu la mettras aussi dans ton livre? Seulement si tu la termines. Alors, il vaut mieux que je te raconte tout de suite la fin, n'est-ce pas? C'est aussi mon avis. Oh là là, il te fait languir ton grand-père. Hein, mon petit Guillaume ? Une pipe doit être nettoyée après chaque usage, si l'on veut qu'elle dure. Où en étais-je dans mon histoire ? Avec Rex, tu as surpris les lutins qui essayaient de traire une vache près du saule pleureur et ils se sont tous enfuis. Oui, c'est vrai. Une semaine environ après ma première rencontre avec les lutins, j'ai décidé d'en avoir le cœur net et de trouver ceux qui rendaient les vaches tellement nerveuses. Tu n'avais pas revu les lutins depuis ? Non, tu t'en doutes. Les lutins ne se laissent pas voir facilement. Sinon, nous en verrions tout le temps. Ils devaient avoir rudement envie de lait quand Rex et moi les avons surpris la première fois. Qu'as-tu fait pour les retrouver ? Je leur ai tendu un piège. Un piège à lutin ? Oui, mon petit bout. J'avais lu quelque part qu'ils étaient friands de sucre à la crème. J'ai donc pris une cage qui traînait dans le hangar à tracteur et les soigneusement camouflée dans un buisson avec des branches et des feuilles. Puis, j'y ai placé le bon sucre à la crème de ta grand-mère. Ça a marché ? Pas tout de suite. Ce soir-là, j'ai posé le piège près du gros saule. Puis je me suis caché dans un fourré de l'autre côté du ruisseau. Qu'as-tu fait ensuite ? J'ai attendu. Longtemps ? Très longtemps. Je me suis même endormi à un moment. Tu n'avais pas peur tout seul, dehors, en pleine nuit ? Non. Il n'y a rien dans la nature pour m'effrayer, mon petit bout. Pas même un ours ? Un ours ne te fera rien si tu ne le provoques pas, tu sais. Si tu le dis. Que s'est-il passé ensuite ? Un peu avant l'aube, de petits cris de fureur provenant du piège m'ont réveillé. Un lutin ? Oui, mon petit bout. Un vrai lutin, pas plus haut que trois pommes. Avec un grand bonnet vert, une chemise rouge, des pantalons bruns et une longue barbe grise. Il était si furieux qu'il sautait sur place, brandissait le poing et m'injuriait de sa petite voix aiguë. Qu'as-tu fait ? J'ai éclaté de rire. C'était tellement drôle de le voir tempêter de la sorte. Quand il s'est un peu calmé, je lui ai dit... Lutin, je veux voir ton chef. Mon chef ne veut pas te voir. A répondu le lutin du tac au tac. Tu as réussi à le convaincre ? Oui, en lui promettant une pleine casserole de sucre à la crème. Je le comprends. Je n'aurais pas pu résister non plus devant une casserole de sucre à la crème de grand-mère. Et alors ? Le lutin m'a amené jusqu'au tas de roches. Et c'est ainsi que je sais que des lutins vivent dessous. Et après, tu as vu le chef des lutins ? Oui, je l'ai vu. Mais il te racontera ça une autre fois, Guillaume. C'est l'heure d'aller au lit. Mais non, l'histoire n'est pas terminée. Je fais un marché avec toi, mon petit bout. Tu te prépares pour aller au lit, tu te glisses sous les couvertures, tu fermes les yeux, et moi, je te raconte la fin de l'histoire. Marché conclu. Tu as brossé tes dents ? Oui, même celles dans l'arrière. Bravo ! Tu es prêt ? Plus que jamais. Alors ferme les yeux. Où en étais-je déjà ? Le lutin t'avait conduit au tas de roches. Oui, c'est vrai. Au tas de roches, le lutin m'a dit... Tourne-toi ! Pourquoi ? C'est justement ce que je lui ai demandé, tu penses bien. Il m'a répondu... Parce que je ne veux pas que tu vois ce que je vais faire. Finalement, me comptant déjà chanceux qu'il ait accepté de me présenter son chef, j'ai fait ce qu'il me demandait. Mais cela ne m'a pas empêché de jeter un coup d'œil pendant qu'il ne regardait pas. Et qu'as-tu vu ? À la base du tas de roches, le lutin avait déplacé une pierre aussi grosse que lui. Ne me demande pas comment il a fait. Peut-être a-t-il utilisé la magie. En tout cas... La roche servait de porte à un passage. Le lutin a vérifié rapidement si je lui tournais toujours le dos. Puis il s'est faufilé dans l'ouverture. Aussitôt, la roche a repris sa place, toute seule. J'étais sidéré. Si je n'avais pas vu de mes propres yeux la pierre se déplacer toute seule, je ne l'aurais jamais cru. Je me suis alors approché du tas de roches, afin de soulever celle qui servait de porte au lutin. J'avais très envie de voir comment ils construisaient leur maison. Mais il s'est passé quelque chose de bizarre. Alors que je me penchais pour saisir la pierre, ma vue s'est brouillée une fraction de seconde. Tout de suite après, j'étais tout à fait incapable de reconnaître la pierre qui servait de porte au lutin. Les lutins ont sans doute jeté un sort au tas de roches. C'est ce que j'aurais fait à leur place. Sans doute. Une dizaine de minutes plus tard, une roche s'est remise à bouger. Vite, je suis retourné à l'endroit où le lutin m'avait vu la dernière fois, pour qu'il ne sache pas que je lui avais désobéi. Après, le lutin me disait... Tu peux te retourner. Ce que j'ai fait. Il y avait maintenant trois lutins au pied du tas de roches. Tous vêtus de vêtements de couleur vive. Celui du centre était plus grand que les autres. J'en ai déduit qu'il s'agissait du chef, ce qu'a confirmé le lutin que j'avais capturé. Le chef a alors fait un pas vers moi. Puis, me regardant de haut, il a demandé... « Est-ce que vous voulez me voir, Rumé ?»« Évidemment !» Je lui ai répondu. « Sinon, je ne t'aurais pas fait venir !» Le chef des lutins a semblé peser la logique de ma réponse quelques instants. Enfin, sans doute satisfait, il a demandé. « Que veux-tu de moi ?» Je lui ai dit que je voulais qu'ils arrêtent d'effrayer mes vaches, que s'ils continuaient, je mettrais mon chien à leur trousse. Laissez mes vaches tranquilles ou j'envoie mon chien après vous. Tu n'as pas le droit. Tu veux rire, c'est une honte. Si vous continuez d'effrayer mes vaches, je n'hésiterai pas. Où prendrons-nous notre lait alors ? Où le preniez-vous avant ? Les vaches ne sont effrayées que depuis 2 semaines. J'en déduis que vous ne les harceliez pas auparavant. Nous trions la chèvre du voisin. Une chèvre, c'est moins gros qu'une vache. Et plus facile à traire. Elle était habituée à nous. C'était le bon temps. Que s'est-il passé ? C'était une vieille chèvre. Une très vieille chèvre. Et alors ? Grand-père aussi, il est vieux. Elle est morte de vieillesse. Alors, j'ai dit au lutin que s'il promettait de ne plus approcher mes vaches, je leur apporterais du lait jusqu'à ce qu'ils aient trouvé une autre chèvre. Grand-père ! Qu'est-ce qu'il y a, mon petit bout ? Pourquoi ce gros chagrin ? Les lutins étaient plutôt contents que je leur apporte du lait. Ils m'ont même fait une grande fête. Est-ce que tu vas mourir ? Pas tout de suite, j'espère. Je ne veux pas que tu meurs. Jamais. Mais, mon petit bout, la mort n'est pas si terrible. C'est même plutôt une amie parfois. Tiens, prends mon mouchoir. Sèche tes larmes et mouche-toi un bon coup. Comment la mort peut-elle être une amie ? Imagine, mon petit bout, que je sois très malade et très souffrant. Tu aimerais me voir ainsi ? Non. Moi non plus, je te jure. Mais je ne te verrai plus jamais après. Tu crois ? Maman l'a dit. Ferme les yeux, tu veux ? Et maintenant, pense à moi. Rappelle-toi la journée que nous venons de passer ensemble. Tu me vois dans ta tête ? Oui. Ces images sont en toi pour toujours, Guillaume. Tu pourras toujours me voir. Tu n'auras qu'à fermer les yeux. Allez, recouche-toi. Tu sais, on a encore quelques bonnes années devant nous, mon petit bout. Et une dure journée demain. Il est grand temps de dormir. Bonne nuit, petit. Bonne nuit, grand-père. Grand-père a raison. Il nous reste plusieurs années ensemble. Et c'est long, un an. Mais pour plus de certitude, je vais fermer un peu les yeux. Oui, ça fonctionne bien. En pensant à grand-père, je le vois aussitôt apparaître dans mon esprit. Ouf, ça me rassure. Je pourrai toujours voir grand-père. Et qui sait, peut-être demain me racontera-t-il une nouvelle histoire à mettre dans mon livre. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté « Grand-père » de Christian Martin, avec Stanley dans le rôle de grand-père, Ezra dans le rôle de Guillaume, Joanne dans le rôle de grand-mère, Carole dans le rôle du lutin numéro 1, K00 dans le rôle du lutin numéro 2 et Christian Martin dans le rôle du chef des lutins. L'histoire et les personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. Cet enregistrement est distribué sur licence Creative Commons et produit en 2009 par les Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt. C'était la conclusion du grand-père. Vous trouverez cette histoire sur le blog des Éditions de l'Avenir à l'aveniraudio.canalblog.com ainsi que sur audiocité.net. Pour consulter tous les liens pertinents à cette émission, ainsi que pour entendre ou réentendre toutes les émissions, je vous invite à vous rendre sur le blog de la Web Radio à www.audiolibris.net. Merci de votre attention. À bientôt.